Ok, ok. Scar, yeah. La violence, scarification. 94 négro, 400 yens. Voilà, on est la boîte, car 9K. C'est pas de la musique, mais de la guerre. Okay. Mon flow les perce, les perles dans les coins adverses. Du plomb dans les verres, dans les verres. Les gros, tu fumes ton air. Bien sage, bien sage. Fais un style où le bitch nique son père. Toujours les mêmes pour l'égalité. Yeah, le flic et le game et les raids quand je débarque, fais bouger les têtes. Ça pourra aimer avec tes JP. Dans les bacs, tu parles un spectacle. Des petites tasses, ok, j'arrive, ne fais pas de détails. Nique le pétard. Toujours la haine contre les mêmes depuis l'album Ennemi d'État. Nique le rap français, pisse sur les lois françaises. Allume un spliff direct quand je rentre en scène. J'ai le langage classé ou transil. Dans la planche, le poids du passé. Un peuple avance dans les pensées. Calibré, mes frères, mes 16. Négro, mes dièses, net et prêt. J'y défouraille les chiens. Négro, j'arrache mes chiens. Mon certificat des mes frères me suivent jusqu'à la cour de freine. On marche le cœur blessé. Nos vies sont speed, on y transpire. Dispatch la weed. La rue m'inspire, je la respire et puis je la recrache dans mes écrits. Négro, y'a rien de fâche. On se fâche s'il y a du cash que les ratailles se barrent d'ici et se cachent. Ça pue la lâcheté. Les boucaves rêvent de se racheter. Mais c'est la mort qui fera la loi que nul peut acheter. Nos frères sont fiers et puis nos fils seront fiers. Parce qu'on est fiers de nos pères et puis nos fils seront frères. Parce que les chiens font des chiennes. Les hyènes des hyènes. Vous dis on te baise, tu veux test nos lois. Le regard froid, la parole ferme de braise. Ceux qui tirent avant que le flingue s'enraye. L'esprit tordu, la vie qui se trace en règle. Près de la grâce et loin des strass, ray. J'attends le jour de la paix. Mais je suis pas de ceux qui attendent le jour de la paix. Jusqu'à que la mort m'appelle. Lutterai jusqu'à que la mort m'appelle. Représenterai jusqu'à que la mort m'appelle. Moi et ma peine au pied des sommets. Depuis le pas de l'échelle, l'esprit assommé par le seum. Que la rue a formé que personne ne pourra tester. Lié comme Smith ou Wesson. 4 semaines que nul n'impressionne. C'est pour les frères que les temps prisonnent. Dans les cloisons closes de l'Essonne. Ton carcéral fait peur à personne. Tu peux te faire perforer pour un coup de klaxon. Microphone, check ça. Alien enfoiré, faut que j'y injecte ça. Enlève tes pattes de mon tiep, toi. Défends les couleurs de mon staff, pourquoi tu guettes, tu vas faire tiep toi, c'est quoi les tiennes. Ça représente les frères dans la merde, qui marchent et croient à la victoire, les pieds dans la merde, yeah. Ça représente les frères dans la merde, qui marchent le corps mutilé et de la tête aux entrailles. C'est pour nos soldats solitaires de mon bloc, tel un seul homme sans. Leader emporte le deuil et porte la couleur du sang. Le fric excite mon criminel penchant et m'oblige, la vie bascule du côté tranchant. Je suis pas un hindou pour filer en sang. Les vapeurs dansant, mon son n'a rien de dansant. Coupable et innocent, du rouge fluorescent. Mon gang frappe fort et plaisant. Négro, le son de Scar est scarifiant. Moi c'est la hyène, mon identifiant. La voix des frères me gratifiant. De 400 yens un combattant jusqu'à la fin des temps. J'attends le jour de me faire descendre. Mon patrimoine pousse sur le béton, sur une flaque d'essence. Et si la mort se présente, hardcore sera la sentence. Implore la repentance, que Dieu m'entende. Les démons, les charmes des femmes qui nous tentent. Les charmes d'une porte, négro récolte jusqu'à que les poches débordent. Depuis les faces B-rap, les faces des blocs. Négro en place jusqu'à la casse. J'ai pas la grande classe, mais la hagra dans mon staff, moi. Écarte tes putains de côtes de mes baffes, toi. J'ai plus de pitié dans mon taf, moi. Plus de pitié dans mon taf, moi. Pitié dans mon taf, moi. La hyène. Moi et mon frère Cappuccino. Yeah. Histoire d'ambiance, ton spliff, négro. Scar.